Bonjour à tous, vous êtes bien sur Radio Guémozo, vous nous écoutez sur le 107FM, il est 8h30, c'est Marion et vous êtes bien dans la matinale. Nous sommes le jeudi 26 septembre, nous souhaitons une bonne fête aux Damiens et aux Côme. Le dicton du jour nous dit à la Saint-Côme et Saint-Damien, on trouve des noix plein les chemins. Ou encore, priez Saint-Côme et Saint-Damien, vous vous porterez toujours bien. Célébration internationale, aujourd'hui c'est la journée mondiale de la contraception et c'est la journée européenne des langues. Et dans les événements qui se sont déroulés le 26 septembre, en 1905, Albert Einstein publiait sa théorie de la relativité restreinte. Et en 1969, c'était la sortie au Royaume-Uni du dernier album enregistré des Beatles, Abbey Road. Allez, tout de suite, première pause musicale avec Philippe Laville et son titre « Il tape sur des bambous ». Il vit sa vie au bord de l'eau, coco et coquillage. $1 pour prendre en photo son plus beau tatouage. Il vit sa vie comme un vendredi. Robinson est parti. Tu le verras toujours bien dans sa peau quand il prend ce tempo. Il tape sur des bambous et ses numéros. Dans son île, on est fou comme on est musicien. Sur Radio Jamaïque, il a du copain. Il fabrique sa musique et ça lui va bien. Il tape sur des bambous, il joue pas les requins. Il tape sur des bambous, il joue pas les requins. Tahiti, Tuamotu, Équateur, Méridien. Y a des filles de partout qui lui veulent du bien. Y a des filles de partout qui lui veulent du bien. Oui, la gloire, il s'en fout et ça va, ça vient. Du capitaine, il te refile en stéréo la chanson des sirènes. Il trafique un peu dans tous les ports, la marine est d'accord. Y'a aucun malaise dans sa combine, c'est une musique machine. Ça vient. Il vit sa vie comme un vendredi. Au Vincent est parti. Tu verras toujours bien dans sa peau quand il prend ce tempo. Il tape des bambous et ses numéros. Il tape des bambous et ses numéros. Dans son île, on est fou comme on est musicien. Dans son île, on est fou comme on est musicien. Sur Radio Jamaïque, il a des copains. Il tape sur des bambous, Philippe Laville sur RGM. Un peu plus de 8h34, on parle anniversaire avec ceux qui sont nés un 26 septembre 1945. Naissance d'Ariel Zetoun, réalisateur, producteur français, réalisateur de Souvenir, Souvenir, une femme très très très amoureuse. Yamakasi, producteur du film Le Grand Pardon, Souvenir, Souvenir, une femme très très amoureuse. Bandidas, Trois Amis, et producteur délégué de Colombiana. 1947, naissance de Philippe Laville, chanteur français. 1948, naissance d'Olivia Newton-John, chanteuse actrice britannique connue pour avoir joué le rôle de Sandy Olson dans le film Grease. 1956, naissance de Linda Hamilton, actrice américaine connue pour son rôle de Sarah Connor dans Terminator 1 et 2, rôle qu'elle reprendra d'ailleurs dans Terminator Dark Fate, sortie prévue pour le mois prochain. Vue dans Haute Tension, Le Pic de Dante, la série télé Chuck dans le rôle de Marie-Elisabeth Bartowski alias Frost. 1962, naissance de Melissa Sue Anderson, actrice canado-américaine canadienne connue pour son rôle de Mary Ingalls dans la série télé La Petite Maison dans la Prairie. 1968, naissance de Jim Caviezel, acteur américain vu dans La Ligne Rouge dans le rôle du soldat Witt, La Passion du Christ dans le rôle de Jésus, dans Déjà Vu dans le rôle de Carol Orstad et la série télé Person of Interest dans le rôle de John Reese. 1969, naissance d'Anthony Cavanagh, humoriste acteur canadien vu au cinéma dans Agathe Cléry, à la télévision dans Fais pas ci, fais pas ça ou encore Nos chers voisins. 1981, naissance de Christina Milian, chanteuse et actrice américaine, vue dans American Girls 5. Actuellement, on peut la voir dans le film Falling in Love, dans le rôle de Gabriela Diaz. C'est un film Netflix et vue dans les séries télé Charmed, Smallville, Les Experts. Et on la connaît pour son titre When You Look At Me, dont on écoute tout de suite un petit extrait. Christina Milian. Allez, on continue, mais on va rester en 81 avec la naissance également de Serena Williams, joueuse de tennis américaine qui en simple a été numéro 1 mondiale pour la première fois en 2002, qui a gagné 7 fois l'Open d'Australie et Wimbledon, 6 fois à l'US Open, 3 fois Roland Garros. Elle a également été numéro 1 mondiale en double, c'était pour la première fois en 2010. Elle a gagné 6 fois Wimbledon, 4 fois l'Open d'Australie, 2 fois Roland Garros et l'US Open. Aux Jeux Olympiques, elle a remporté une médaille d'or en simple et 3 médailles d'or en double. Elle a également remporté une Fed Cup, c'était en 1999 et deux Hopman Cup en 2003 et 2008. 1985, naissance de Valérie Beg, Miss France 2008, qui a été co-animatrice de l'émission La Roue de la Fortune avec Benjamin Castaldi, qui a participé à l'émission Mot de Passe. Depuis 2017, elle participe à l'émission Tout le monde a son mot à dire. Et en tant qu'actrice, on a pu l'apercevoir dans la série Seconde Chance. C'est également l'année de naissance de Cindy Fabre, Miss France 2005. Et également l'année de naissance de M. Pokora, chanteur, producteur, acteur français découvert dans l'émission Popstar. Il a remporté la première saison de Danse avec les Stars, a été juré de The Voice Kids et de The Voice La Plus Belle Voix, vu dans Nos Chers Voisins ou encore Scène de Ménage. Et on le verra bientôt à la télévision le 7 octobre aux côtés de Muriel Robin, dans le téléfilm Le Premier Oublié. Et il prépare actuellement sa tournée Pyramide Tour et il y a déjà quelques dates qui affichent complet. On continue, 1980, cette naissance de Clément Lefebvre, nageur français, champion olympique du relais 4x100 mètres nage libre en 2012 lors des JO de Londres. Il comptait également une médaille d'argent olympique au championnat du monde petit bassin. Il a remporté une médaille de bronze et au championnat d'Europe grand bassin, une médaille d'or et une de bronze. 1988, naissance de Marie-Amélie Le Fur, athlète handisport française qui a remporté 8 médailles lors des Jeux paralympiques, 2 médailles d'argent lors des JO de Pékin, 3 médailles lors des JO JO de Londres et 3 médailles dont 2 d'or lors des JO de Rio. Championnat du monde, elle compte 4 médailles d'or et 8 d'argent. Au championnat d'Europe, 3 médailles d'or, 1 d'argent et 1 de bronze. 1990, naissance de Michael Matthews, cycliste sur route australien, champion du monde sur route espoir en 2010, champion d'Océanie sur route en 2009, champion du monde du contre-la-montre par équipe en 2017. Il a remporté le classement par points du Tour de France 2017. Il a remporté 8 étapes sur les grands tours, 3 sur le Tour de France, 3 sur le Tour d'Espagne et 2 sur le Tour d'Italie. Petit point historique, en 46 avant Jésus-Christ, décédé vers Saint-Gétorix, chef Arverne. En 1983, décédé Tino Rossi, chanteur français. Alors certes, on est à 3 mois de Noël, mais je nous ai évité le petit Papa Noël ce matin. On va s'écouter un extrait du titre Marinella. Marinella, reste encore dans mes bras. Avec toi je veux jusqu'au jour danser cette rumba d'amour. Son rythme doux nous emporte bien loin de tout, vers un pays mystérieux, le beau pays des rêves bleus. Blotti contre mon épaule, tandis que nos mains se frôlent, je vois tes yeux qui m'enjôlent d'un regard plein de douceur. Et quand nos cœurs se confondent, je ne connais rien au monde de meilleur. Marinella, reste encore dans mes bras. Avec toi. Voilà pour l'extrait de Tino Rossi. En 2008, décédé Paul Newman, acteur cinéaste américain, vu dans La chatte sur un toit brûlant dans le rôle de Brick Polite, Exodus, Lady L, Butch Cassidy et le Kid dans le rôle de Butch Cassidy, Le clan des Irréductibles où il est également réalisateur, Buffalo Bill et les Indiens ou encore Une bouteille à la mer. Allez, tout de suite, on s'écoute Olivia Newton-John, John Travolta, la musique de Grease, You Are the One That I Want. Olivia Newton-John, John Travolta, You Are The One That I Want, Grease sur le 107 FM. Un peu plus de 8h45, on fait un point météo. La météo. Alors, aujourd'hui, eh bien, c'est de la pluie. Hein. On aura quelques éclaircies, mais en fin d'après-midi, des températures comprises entre 14 et 15 degrés ce matin, entre 16 et 18 degrés cet après-midi. Vendredi, ce sera de la pluie, des températures comprises là aussi entre 14 et 15 degrés le matin, entre 16 et 18 degrés l'après-midi. Et pour samedi, ce sera de la pluie avec des éclaircies pour le samedi après-midi, des températures comprises entre 10 et 11 degrés le matin, entre 16 et 17 degrés prévus pour samedi après-midi. Allez, tout de suite, on fait un point sur l'actu sportive. Les résultats sportifs. On va commencer avec du handball féminin et match pour la qualification à l'Euro 2020. Et les Françaises se sont imposées hier 38 à 17 face à la Turquie. Un mot de football maintenant avec la Ligue 1. Brest et Lyon ont fait match nul, 2 buts partout. Lille s'est imposée 2 buts à 0 face à Strasbourg. Nantes s'est imposée 1 but à 0 face à Rennes. Metz s'est imposée 1 but à 0 sur la pelouse de Saint-Etienne. Angers s'est imposée 2 buts à 0 sur la pelouse de Toulouse. Bordeaux s'est imposée 3 buts à 1 sur la pelouse d'Amiens. Montpellier s'est imposé 1 but à 0 face à Nîmes. Et enfin, le Paris Saint-Germain s'est incliné à domicile face à Reims sur le score de 2 buts à 0. Un mot de tennis maintenant avec le tournoi de Zue et l'élimination de Lucas Pouille, pourtant tête de série numéro 5 de ce tournoi. Il s'est incliné en 2-7 face à Kouana, 7-6 et 6-2. Gaël Monfils, lui, s'est qualifié en 3-7 face à Nori, 5-7, 6-3, 6-4. Aujourd'hui, Manarino affrontera Tsitsipas. À Chengdu aujourd'hui, Benoît Paire affrontera Carreno Busta. Et à Tashkent, Pauline Parmentier a réussi la belle performance hier de se qualifier en 3-7 face à Babos, 2-6, 6-4, 6-3. La Française affrontera aujourd'hui Van Nudvank. Et on termine avec de l'athlétisme et les mondiaux. Et hier, on a appris que Christophe Lemaître serait forfait sur le 200 mètres. Il se concentrera sur le relais 4 x 100 mètres. Allez, tout de suite, dernière pause musicale avec M. Pokora et son titre « Les planètes ». Loin des phares, 207 chambres d'hôtel. Je t'appelle mais tu décroches pas. Seul sur la route, entre mes rêves et mes doutes. Au milieu de la piste de danse, dernier verre et je pense à toi. Un shot, je pense à toi. Deux shots, je pense à toi. Trois shots, je pense à toi. Quand je danse, quand tu danses, les planètes tournent tout autour. Pardonne-moi l'indifférence, je reviendrai au lever du jour. Ta peau contre ma peau, laisse ta peau contre ma peau, laisse-moi donner le tempo, laisse ta peau contre ma peau. Ta peau contre ma peau, laisse ta peau contre ma peau, laisse-moi donner le tempo, laisse ta peau contre ma peau. Est-ce qu'on s'aime, est-ce qu'on s'oublie? Une nuit de plus, solitude dans le tourbus. Aucune muse ne m'amuse. Je t'appelle mais tu décroches pas. Un shot je pense à toi. Deux shots je pense à toi. Trois shots, je pense à toi. Quand je danse, quand tu danses, les planètes tournent tout autour. Pardonne-moi l'indifférence, je reviendrai au lever du jour. Ta peau contre ma peau, laisse ta peau contre ma peau. Laisse-moi donner le tempo, laisse ta peau contre ma peau. Ta peau contre ma peau, laisse ta peau contre ma peau. Laisse-moi donner le tempo, laisse ta peau contre ma peau. Est-ce qu'on s'aime, est-ce qu'on s'oublie?